Deutéronome chapitre 11. Aime donc l'Éternel ton Dieu, et garde toujours ce qu'il veut que tu gardes, ses statuts, ses lois, et ses commandements. Et connaissez aujourd'hui que ce ne sont pas vos enfants qui ont connu, et qui ont vu le châtiment de l'Éternel votre Dieu, sa grandeur, sa main forte, et son bras étendu, et ses signes, et les œuvres qu'il a faites au milieu de l'Égypte, contre Pharaon roi d'Égypte, et contre tout son pays, et ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte, à ses chevaux et à ses chariots, quand il a fait que les eaux de la mer Rouge les ont couverts. Lorsqu'ils vous poursuivaient, car l'Éternel les a détruits jusqu'à ce jour, et ce qu'il a fait pour vous dans ce désert, jusqu'à ce que vous êtes arrivés en ce lieu-ci, et ce qu'il a fait à Dathan, et à Abiram, enfant d'Éliab, fils de Ruban, et comment la terre ouvrit sa bouche, et les engloutit avec leur famille et leurs tentes, et tout ce qui était en leur puissance, au milieu de tout Israël, mais ce sont vos yeux qui ont vu toutes les grandes œuvres que l'Éternel a faites. Vous garderez donc tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous soyez fortifiés, et que vous entriez en possession du pays, dans lequel vous allez passer pour le posséder. Et afin que vous prolongiez vos jours sur la terre que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, et à leur postérité, terre où coule le lait et le miel. Car le pays où tu vas entrer pour le posséder, n'est pas comme le pays d'Égypte, duquel vous êtes sorti, où tu semais ta semence, et l'arrosais avec ton pied, comme un jardin à herbe. Mais le pays dans lequel vous allez passer pour le posséder, est un pays de montagnes et de campagnes, et il est abreuvé d'eau selon qu'il pleut des cieux. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu a soin, sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement ses yeux, depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin. Il arrivera donc que si vous obéissez exactement à mes commandements, lesquels je vous prescris aujourd'hui, que vous aimiez l'Éternel votre Dieu, et que vous le serviez de tout votre cœur et de toute votre âme, alors je donnerai la pluie telle qu'il faut à votre pays en sa saison, la pluie de la première et de la dernière saison, et tu recueilleras ton froment, ton vin excellent, et ton huile. Je ferai croître aussi dans ton champ de l'herbe pour ton bétail, tu mangeras et tu seras rassasié. Prenez garde à vous, de peur que votre cœur ne soit séduit, et que vous ne vous détourniez, et serviez d'autres dieux, et vous prosterniez devant eux, et que la colère de l'Éternel ne s'enflamme contre vous, et qu'il ne ferme les cieux, tellement qu'il n'y ait point de pluie, et que la terre ne donne point son fruit, et que vous ne périssiez aussitôt, sur ce bon pays que l'Éternel vous donne. Mettez donc dans votre cœur et dans votre entendement ces paroles que je vous dis, et liez-les pour signes sur vos mains, et qu'elles soient pour frontaux entre vos yeux, et enseignez-les à vos enfants, en vous en entretenant, soit que tu te tiennes dans ta maison, soit que tu voyages, soit que tu te couches, soit que tu te lèves. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison, et sur tes portes. Afin que vos jours et les jours de vos enfants, soient multipliés sur la terre que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, qu'ils soient, dis-je, multipliés comme les jours des cieux sur la terre. Car si vous gardez soigneusement tous ces commandements que je vous ordonne de faire, aimant l'Éternel votre Dieu, marchant dans toutes ses voies, et vous attachant à lui, alors l'Éternel chassera toutes ces nations-là de devant vous et vous posséderez le pays des nations, qui sont plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu où vous aurez mis la plante de votre pied sera à vous, vos frontières seront du désert au Liban, et depuis le fleuve, qui est le fleuve d'Euphrate, jusqu'à la mer d'Occident. Nul ne pourra se soutenir devant vous, l'Éternel votre Dieu mettra la frayeur et la terreur qu'on aura de vous, par toute la terre sur laquelle vous marcherez, ainsi qu'il vous en a parlé. Regardez, je vous propose aujourd'hui la bénédiction et la malédiction, la bénédiction, si vous obéissez aux commandements de l'Éternel votre Dieu, lesquels je vous prescris aujourd'hui, la malédiction, si vous n'obéissez point aux commandements de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris aujourd'hui, pour marcher après d'autres dieux que vous n'avez point connus. Et quand l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer au pays où tu vas pour le posséder, tu prononceras alors les bénédictions, étant sur la montagne de Guérizim, et les malédictions, étant sur la montagne d'Ébal. Ces montagnes, ne sont-elles pas au-delà du Jourdain, sur le chemin qui tire vers le soleil couchant, au pays des Cananéens qui demeurent en la campagne, vis-à-vis de Gilgal. Près des plaines de Morée? Car vous allez passer le Jourdain, pour entrer au pays que l'Éternel, votre Dieu vous donne pour le posséder, vous le posséderez, et vous y habiterez. Vous prendrez donc garde de faire tous les statuts et les droits que je vous propose aujourd'hui.